Bosco, Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. L'Assemblée nationale pour la prochaine législature sera monocolore. Sur le parti CNDD-FDD a pu en effet totaliser les 2% requis pour la députation de ses militants alignés sur la liste électorale. C'est le président de la CENI qui a proclamé ces résultats ce mercredi. Des résultats, comme d'ailleurs ceux des communales, contestés en bloc par le parti UPRONA, vous l'entendrez. Un escroc dans les transactions monétaires électroniques est en détention au cachot du commissariat provincial de Lumongue depuis ce dimanche. 4 personnes sont déjà tombées dans les filets de ce ressortissant de Kanyosha, en mairie de Bujumbura. Alors que la date du 11 juin marque la journée internationale du jeu, la représentation de l'UNICEF au Burundi appelle ses partenaires, à commencer par le gouvernement, à renforcer l'accès aux jeux pour chaque enfant. Et le chef de l'État burundais, vice-président de l'Union africaine, participe au sommet des Nations unies sur les océans qui se tient à Nice, en France, depuis lundi. Évariste Ndayishimiye appelle à un partage équitable des savoirs en vue d'une gestion efficace des ressources marines. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Seul le parti CNDD-FDD a pu totaliser les 2% des suffrages requis pour que ses militants alignés puissent prétendre à la députation. Déclaration de Prosper Nahorgwami, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, qui procédait à la proclamation des résultats provisoires des élections législatives du 5 juin dernier. Selon lui, aucun autre parti ni coalition n'a atteint son quota et aucun candidat indépendant n'a eu non plus les 40% requis dans sa circonscription. D'où tous les sièges reviennent au parti CNDD-FDD. Un reportage d'Omer Ndouayo. Malheureusement, il n'est pas prêt. Rendez-vous dans nos prochaines éditions. Alors que l'indépendant Jules Niyongabo appelle l'opposition à l'unité afin de se présenter avec force aux élections à venir, le président du parti AND, Ntagoheka Gaspard Kobako, s'inquiète, lui, de l'avenir de l'Assemblée nationale qui sera mise en place à l'issue du scrutin du 5 juin dernier. Et le président du parti UPRONA balaie d'un revers de la main tous les résultats issus des urnes lors de ces élections communales et législatives du 5 juin dernier. Dans un communiqué de presse rendu public ce mercredi, Olivier Nkurunziza a martelé qu'il n'entend pas introduire de recours auprès de la Commission électorale nationale indépendante, à qui il impute la responsabilité de toutes les irrégularités constatées lors du scrutin. Fraude massive, exclusion des mandataires de son parti. Suivez ces précisions. Les élections législatives communales du 5 juin de 2025 ont été un rendez-vous manqué. Nous constatons amèrement que la CENI et ses démembrements ont failli à leur devoir de neutralité et donc à leur mission d'arbitrage. Pour toutes ces raisons, le parti UPRONA porte à la connaissance de la communauté nationale internationale qu'il rejette en bloc les résultats issus du scrutin du 5 juin 2025. Les scores proclamés indiquent à eux seuls une mascarade électorale avec des résultats fantaisistes. Le parti UPRONA regrette et déplore que dans certains endroits, les éléments de l'administration et ceux des forces de défense et de sécurité aient manqué à leur devoir de neutralité et coopéré à ces actes de fraude et intimidation. C'est ainsi que dans la plupart de circonscriptions électorales, on aboutit à des résultats hors de toute vraisemblance, sans aucun rapport avec l'expression populaire. L'UPRONA demande au président de la République du Burundi de prendre toutes les mesures de la gravité de la situation créée par ce scrutin et d'envisager les mesures qui s'imposent pour préserver la démocratie aujourd'hui en péril. Au gouvernement du Burundi, d'initier un dialogue politique inclusif pour sortir de la crise créée par ce scrutin. Engager une réflexion profonde qui permettra de repenser un beau système de gouvernance démocratique. Organiser un audit de déroulement de processus électoral burundais pour se conformer in fine aux normes des élections justes, transparentes, crédibles et apaisées. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'UNICEF Burundi appelle ses partenaires, à commencer par le gouvernement, à renforcer l'accès aux jeux pour chaque enfant. Cela ressort d'un communiqué rendu public en cette date du 11 juin, marquant la journée internationale du jeu. Ce Fonds des Nations Unies pour l'enfance rappelle que le jeu est un droit fondamental inscrit dans la Convention relative aux droits de l'enfant, indispensable à leur bien-être physique, psychologique et social. À propos de cette journée, l'expert en politique du sport et enseignant à l'Institut d'éducation physique et des sports de l'Université du Burundi, Dr Célestin Vutsebanga, dit que les jeux semi-professionnels au Burundi sont confrontés au manque de moyens financiers pour payer les joueurs professionnels. Malgré cela, il fait savoir que le jeu de hasard atteint un niveau satisfaisant grâce à l'existence des lois régissant les paris sportifs. Suivez-le. Au Burundi, on peut classer les jeux en quatre catégories. Première catégorie, jeux traditionnels. Deuxième catégorie, jeux numériques. Troisième catégorie, jeux modernes faits par des clubs sportifs modernes comme football, basket. Et quatrième catégorie, jeux de hasard et régulation. Par rapport à la première catégorie, le Burundi possède plus de 60 jeux traditionnels masculins et féminins qui sont codifiés et non codifiés. Ces jeux sont surtout utilisés dans des compétitions conviviales, annuelles, de cohésion sociale, avec un budget aussi limité. Pour les jeux numériques, on commence à voir effectivement à Bujumbura ou dans certains villages le développement des jeux en ligne qui utilisent de l'Internet. Pour le sport moderne, nous pouvons constater la semi-professionnalisation de quelques clubs, si vous voulez, en basket, où les joueurs peuvent avoir des frais d'encouragement ou des frais de déplacement, mais sans parler de salaire, puisque ces joueurs ne vivent pas seulement de ces frais. Jeu de hasard, aussi un jeu dont la Loterie Nationale du Burundi, l'ONA, régule et exploite officiellement ces loteries. Il régule les paris sportifs. Mais on constate aussi le développement de ces jeux à travers aussi les villages, et à travers les casinos aussi. Au niveau de professionnalisation de ces jeux, on constate que les jeux traditionnels restent toujours dans le culturel et occasionnel. Au niveau des forces, bien sûr, ça aide à garder le patrimoine du pays, valoriser la cohésion aussi sociale, mais qui a un financement limité. C'était Dr Célestin Vutsebanga, enseignant à l'Institut d'éducation physique et des sports. Un homme habitant Kanyosha dans la capitale économique Bujumbura est retenu au cachot du commissariat provincial de Rumonge depuis ce dimanche. Il est soupçonné d'être un voleur d'argent via l'Umicash dans la ville de Rumonge, avec quatre plaignants depuis janvier 2025, déclarant avoir été victime de vols de plus de 2 millions de francs burundais. Au niveau du commissariat provincial de la police de Rumonge, on confirme cette rétention et la confection d'un dossier judiciaire y relatif. Correspondance, Jean-Pierre Misago. Les victimes de ce vol dans la ville de Rumonge disent que ce présumé voleur d'une trentaine d'années, habitant Nyengabusoro dans la ville de Bujumbura, a utilisé presque une seule méthode. Il se présentait en effet à l'agent Limikash, un client qui sollicitait un transfert d'argent à un ami, et il le faisait parfois tout en surveillant le chiffre du code agent. Après, il sollicitait l'aide de l'agent Limikage pour pouvoir envoyer un message à un ami en se servant du téléphone Limikage de l'agent Argan, tantôt que les unités s'épuisent dans son téléphone, ou tout simplement qu'il n'a pas de téléphone sur lui. Ce message, selon les victimes, n'était autre qu'un transfert d'argent vers son numéro et faisait semblant d'attendre le message réponse pour disparaître. Ce dimanche, il a été reconnu par une des victimes de ce vol alors qu'il reprenait l'opération. Il a été ensuite arrêté avec une moto dont il se servait dans ses déplacements dans la ville de Rumonge, une moto dont le propriétaire reste à identifier. Les victimes de ce vol voudraient l'intervention de la police de Rumonge pour qu'elle recouvre leur argent. Au niveau de la police de Rumonge, l'on confirme la rétention de cet homme accusé d'avoir déjà volé plus de 2 millions de francs francs burundais à quatre agents Lumikash de la ville de Rumonge depuis janvier 2025 et qu'un dossier judiciaire est en train d'être confectionné. Entre-temps, la police de Rumonge conseille aux agents Lumikash de garder jalousement leur téléphone portable utilisé dans le transfert d'argent. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. L'Union africaine appelle à un partage équitable des savoirs en vue d'une gestion efficace des ressources marines. Appel lancé par le chef de l'État burundais et premier vice-président de l'Union africaine au cours du sommet des Nations unies sur les océans qui se tient à Nice en France. Selon Évariste Ndayishimiye, bon nombre de pays africains souhaitent renforcer leur capacité d'observation et de gestion durable des ressources marines. Suivez un extrait de sa déclaration. L'Union africaine salue les avancées internationales importantes telles que l'adoption de l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche ainsi que les négociations pour un traité mondial contre la pollution plastique. Mais ces progrès demeurent insuffisants. L'ODD 14 reste l'un des moins financés et les moins avancés des objectifs mondiaux. Il faut inverser cette tendance. Nous souhaitons à cet égard souligner plusieurs priorités en lien direct avec les 10 panels thématiques de la conférence, que l'Afrique est essentielle pour faire avancer l'agenda mondial de la conservation et de l'utilisation durable des océans. La restauration et la protection des écosystèmes marins et côtiers, y compris ceux des grands fonds, représentent pour nous un enjeu vital. Ce combat dépasse la seule préservation de la biodiversité. Il est directement lié à la survie de millions de personnes, notamment les communautés littorales exposées aux effets du changement climatique. L'objectif 30x30, qui vise à protéger 30% des zones marines et côtières d'ici 2030, nous guide dans cette ambition, mais sa réussite dépend d'un engagement réel et partagé. Dans ce cadre, la coopération scientifique, transfert de technologies sont indispensables. Nombre de nos pays africains souhaitent renforcer leurs capacités d'observation et de gestion durable des ressources marines. Nous appelons donc à un partage équitable des savoirs dans un esprit de partenariat sincère et respectueux. Le financement est également un levier crucial. Il doit dépasser le stade de promesses et se traduire en ressources concrètes, accessibles à tous, particulièrement aux pays côtiers, insulaires et enclavés. Une mobilisation accrue de fonds publics, privés et innovants est nécessaire pour soutenir ces efforts. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. La Commission électorale nationale indépendante a proclamé ce mercredi 11 juin les résultats provisoires des élections législatives du 5 juin dernier, après la proclamation ce mardi des résultats des communales et dont les recours sont adressés à la Commission électorale nationale indépendante CENI. En cas de recours pour les législatives, le Code électoral de juin 2024 prévoit que c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente en cette matière. La rédaction revient sur la procédure à suivre, telle que prévue par ce texte de loi qu'a lu Stella Ndayishimiye. La Cour constitutionnelle, comme le dispose l'article 84 de ce code, est compétente pour connaître des recours en matière des élections au niveau national, telles que les présidentielles, les législatives et le référendum. Dans son article 85, ce code prévoit que la Cour constitutionnelle ne peut être saisie que par une requête écrite. Cette requête doit être reçue au greffe de la Cour constitutionnelle dans un délai de 3 jours calendriers qui suivent la proclamation provisoire des résultats du scrutin. Ce même article stipule que le droit de contester une élection appartient aux partis politiques, candidats indépendants ou coalitions de partis politiques intéressés, ainsi qu'à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription concernée. À l'article 87, ce code prévoit que la Cour constitutionnelle dispose d'un délai de 8 jours calendriers pour statuer sur la requête. Parle, rassure-moi. La chronique Parle, rassure-moi de ce mercredi est centrée sur les discours irréalistes. Lors des campagnes électorales, de ces discours se font encore sentir et peuvent diviser les communautés, affirment certains des habitants de la colline Burenza, en commune Kiganda. De son côté, Alexis Nimubona, chargé de la communication à l'Observatoire de lutte contre la corruption et les mauvaises économiques, Olicom, estime que de vraies préoccupations de la population devraient être mises en avant par ces candidats aux élections. Mireille Kanyange. Ces habitants de la colline Burenza, en commune Kiganda, affirment avoir entendu des discours de projets irréalistes lors des campagnes électorales. Selon Fiacre Sinumvayaha, secrétaire permanent de la commune Kiganda, celui qui tient des discours des projets irréalistes fait reculer son électorat. Ses habitants trouvent qu'entre autres conséquences, ce sont des mésententes dans la communauté suite à ces discours irréalistes. De son côté, Alexis Nimubona de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, sur base d'un exemple, montre que ce genre de discours est réellement tenu. Il y avait un candidat au présidentiel qui a promis qu'il va implanter des restaurants où chaque Burundais va prendre 10 repas gratuitement. Pour les citoyens qui n'ont pas cette capacité de comprendre les opinions des leaders politiques, qui n'ont pas la capacité d'identifier les meilleurs projets, un projet réalisable, ces citoyens-là peuvent tomber dans le piège des politiques. Il appelle les candidats à des élections à être des porte-voix des électeurs et prioriser des projets relatifs aux vrais problèmes qui hantent la population et ensemble bâtir une société paisible. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimane.